بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في الدرس 37 بعد المئة 137 leçon. Donc là dans le dernier درس nous avons pris ce qui concerne l'adhan et ce qui se fait par la suite. Maintenant il va parler de ce qui se passe lorsqu'on sort de la maison pour se rendre au masjid. Et ça c'est valable pour les hommes ou pour les femmes qui le font de façon d'elles-mêmes, car à la base aller salat jamaa au masjid ce n'est pas obligatoire pour la femme, ce n'est que pour l'homme. Même la femme, sa meilleure salat c'est celle qu'elle fait chez elle. Ce qui est recommandé pour la femme, c'est de faire la salade chez elle, seule. C'est la meilleure pour elle. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que leur maison soit meilleure pour elle. Quand la fille Souel, Rabi, Asha, wa miyatin bad elf, 1214e question. Maza yakoul inda khuruji min al-bayt. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il sort de la maison? Tamam. Il dit, comme dans le hadith de Moussalama, قالت ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيتي قط الا رفع طرقه الى السماء او طرفه الى السماء qu'il a dit que le Nabi صلى الله عليه وسلم n'est pas sorti de chez elle sans qu'il n'ait levé la tête vers les cieux. فقال اللهم اعوذ بك ان اضل او اضل او ازل او اذل ولا اظلم او اظلم واجهل او يجهل علي. Qu'elle a dit que le Nabi Salam disait quoi? Oh Allah, je recherche refuge auprès de toi, de m'égarer ou de n'égarer autrui. Ou de fauter involontairement, de ne faire fauter autrui. Ou d'être injuste envers autrui, ou d'être moi-même lésé. Ou d'ignorer une chose, ou qu'une chose me soit ignorée. Rapporté par Abu Daoud. Également, il y a dans le hadith, il dit Bismillah tawakkatu ala Allah. La hawla wa la quwwata billah, illa billah. C'est également un hadith qui est venu. Donc c'est selon Ibn Abbas. Qu'est-ce que lorsqu'il sort de chez lui, il dit cela, tawakkatu ala Allah, bismillah tawakkatu ala Allah, la hawla wa la quwwata billah. Et celui qui dit cela, que Shaitan, il dit qu'il s'éloigne de lui et qu'il ne peut rien faire contre lui. Comme c'est venu dans une version du hadith. Thumma qala fi su'al 15 wa 200 ba'd 1000. 1215e question. Maza yakoulou inda zahab il masjid li salat al-subh. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit lorsqu'il se rend au masjid pour la salat du fajr? D'accord? C'est quoi le dua à faire pour ce moment-là précis? Ça, c'est le dua qui est venu de Ibn Abbas, qu'il a cité lorsqu'il a passé la nuit chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, chez sa tante Maymouna, qu'il a fait la salat de nuit avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il a analysé tous les faits du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de là, il rapporte que قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح, que le Nabi صلى الله عليه وسلم est sorti pour la salat du subh. وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل في خلفي او من خلفي نورا ومن امامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اعطني نورا. Qui a dit que le Nabi صلى الله عليه وسلم, il a dit oh Allah, accorde-moi dans mon cœur une lumière, et sur ma langue une lumière, et dans mon ouïe une lumière, et mets dans ma vue une lumière, et mets de derrière moi une lumière, de devant moi une lumière, et mets au-dessus de moi une lumière, et en dessous de moi une lumière, oh Allah, donne-moi une lumière. Et le hadith est le mutawarrid alayhi. Donc ça c'est un dua que l'on fait particulièrement pour sortir salat al-subh, et certains ulama disent qu'on peut le faire tout le temps sortant de chez soi pour aller à la salat. قال في سؤال السادس عشر ومئة بعد ألف 1216e question. ما هو الفضل لمن خرج في الظلام للصلاة. Maintenant, c'est quoi le mérite de celui qui sort de chez lui dans l'obscurité, d'accord, dans l'obscurité, pour se rendre à la salat? Ça, c'est une chose que l'on trouve rarement dans les pays d'Occident aujourd'hui, car tout est éclairé, même encore dans les pays ou des endroits où il n'y a pas de lumière publique dans la rue. Donc les gens sortent, des fois avec des torches, ou maintenant dans les téléphones portables qui font lumière, alhamdoulilah, mais dans des endroits, ce n'est pas le cas. Les gens sortent encore dans le noir. Et ça, c'était ce qui se passait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est quoi son mérite à lui? قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بوريدة rapporté par Abu Daoud. قال بشير الماشيين في الظلم في الظلام عفوا إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. Il a dit, fais la bonne annonce à ceux qui marchent dans l'obscurité pour se rendre au masajid. D'accord? Qu'ils auront une lumière complète le jour de la résurrection. Ça, c'est le mérite qu'ils ont. C'est que ce qu'ils n'ont pas aujourd'hui, qui a marché dans le noir, c'est une chose qui n'est pas facile. Tu ne sais pas ce qui est devant toi comme obstacle. Et puis, à leur époque, il y a des animaux peut-être sauvages. Ou Ray les Alika. Donc, il dit, celui qui fait cela, parce que t'as des gens, ils disent, ils voient qu'il fait tout noir, ils veulent plus sortir, ils ont peur. Il dit, celui qui fait cela, il aurait une lumière complète تمام يوم القيامة. ثم قال في السؤال السابع عشر ومئتين بعد ألف 1217 question. يقول أيهما أكثر أجرا في الصلاة أبعدهم إليها مشيا ممشى قال ممشى أي ممشى أم أقربهم. Maintenant, il a dit qui est-ce qui a le plus de récompense dans la salat, celui qui habite le plus loin du lieu où on a accompli la salat ou celui qui en est le plus proche. Il dit celui qui en est le plus loin. Celui qui fait le plus de marches pour s'y rendre aura plus de récompense. Comme dans le hadith d'Abu Moussa, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, « Inna a'zama an-nas ajran fi salat ab'aduhum ilayha mamsha. Fa ab'aduhum wallazi yantaziru as-salat hatta yusalliyaha ma'a al-imam a'zama ajran min allazi yusalliyahuma ou yusalliyaha thumma yanam. » Qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou le hadith muttafaqun alayhi, que celui qui a le plus de récompense dans la salat, c'est celui qui habite le plus loin de cette salat, qui s'y rend à pied. Car dans le hadith, c'est venu que chaque pas que tu fais, si jamais tu fais l'irtisab, c'est-à-dire tu cherches la récompense par ces pas-là, que Allah azawajal t'élève en degré et t'efface une faute que tu auras commise. Comme dans le hadith d'Abu Huraira, cela est venu. Il dit que celui qui attend la salat, voyez, celui qui attend la salat pour l'accomplir avec l'imam est meilleur que celui qui fait la salat puis qui dort. Donc là, c'est dans beaucoup d'actes, cela ce hukm il est valable que ce que l'on fait comme chose avec l'irtisab en cherchant la récompense auprès d'Allah, on en tire une récompense. Même dans un hadith, il y avait un homme qui habitait loin du masjid. Il a dit si jamais tu prenais un âne pour pouvoir te rendre au masjid, car tu habites loin. Il a dit là, qui veut que chacun de ses pas, lorsqu'il vient au masjid, lui soit compté, chacun de ses pas, lorsqu'il rentre vers sa famille, lui soit compté. Donc il a préféré cela. Amen. Et il y a plein d'hadiths qui vont dans ce sens-là. Donc là, ça demande d'irtisab. Maintenant, si c'est pour que la personne soit en retard tout le temps, cela mène à la machaka, il est mieux pour qu'elle habite proche. Celui qui est fort, qui a un imène fort, et qui est motivé, et qui fait l'irtisab dans ce qu'il fait, il en tire plus de récompense que celui qui habite à côté. Thumma qala, fi sawal al-thamin ashar wa miyatayn ba'd alf, 1218e question. Hal yas'a al-musalli fi al-mashi ila al-salah? Maintenant, est-ce que celui qui part pour aller au masjid pour la salat, est-ce qu'il doit se précipiter? D'accord? Est-ce qu'il doit se précipiter et marcher vite? Qala, la yas'a bal yamshi bi sakinatin wa wiqar, qu'il marche avec quiétude et calmement. Il n'a pas à se précipiter, même s'il est en retard. Comme dans le hadith d'Abi Huraira, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, idha thawwiba lis-salat fala ta'tuha wa antum tas'aw wa tawwa'a wa alaykum as-sakinah. فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإن أحدكم من كان يعمد للصلاة فهو في الصلاة. Qu'il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que si jamais l'appel à la salat a été fait, ne venez pas en vous précipitant, on ne vient pas en courant. Même si tu entends qu'il y a l'Iqama, tu es loin, tu viens en marchant normalement. D'accord ? Et que vous devez venir avec quiétude et paisibilité. Dans le calme. Ce que même vous avez attrapé de la salat en jamara, faites-le. Même si c'est la dernière rakat, c'est le tashahoud, ne dis pas je suis arrivé au tashahoud, j'attends qu'il recommence. Non, tu t'assois avec eux et tu fais tashahoud avec eux. Quoi que tu aies fait, tu es arrivé, ils sont encore en jamara, tu fais avec eux. Et ce qui t'a échappé, tu le rattrapes. Ce qui t'a échappé comme rakat ou comme autre chose dans la salat que tu n'as pas pu faire. Voyez, de ce qui a eu lieu après, avant le recours, si tu as raté le recours, selon avec la divergence qui existe, tu dois le rattraper. Car elle dit que l'entre vous, à partir du moment où il vise la salat lorsqu'il sort de chez lui, il est déjà en salat. Donc c'est-à-dire, toi, ne te dis pas je vais rater la récompense si jamais j'arrive en retard. Non, à part si jamais tu étais négligent, ça c'est autre chose. Mais si jamais tu pars de chez toi, où que tu sois pour te rendre au masjid, tu es déjà en salat, ta récompense a été écrite. Thumma yaqul fi as-su'al at-tasi' ashar wa 200 ba'd alf. ماذا يقول عند دخول 1210 même question. ماذا يقول عند دخول المسجد وعند خروج منه؟ Qu'est-ce qu'il dit en rentrant dans le masjid et en sortant? طيب الدعاء faire lorsqu'on rentre dans le masjid lorsque l'on sort. Dans le hadith de Abi Humaid ou Abi Usaid, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك. Qu'il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم si d'entre vous rentre dans le masjid qu'il dise oh Allah ouvre-moi les portes de ta miséricorde. وَإِذِي خَرَجَ فَلْيَكُولُ اللَّهُمَّ إِنْ يَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ. Et qu'il, lorsqu'il sort, il dit « Oh Allah, je te demande de ta grâce. » Et le hadith apporté par un musulman. Et dans un autre hadith, devenu de Abdullah ibn Amr ibn As, « An al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'ala, « Anou kan iz dakhal al-masjid, qu'ala, a'udhu billahi al-azim, bi wajjihi al-karim, wa sultanihi al-qadim, min ash-shaytan al-rajim. » Qu'il dit « Je recherche refuge auprès d'Allah al-azim, c'est-à-dire le très grand, par son visage noble, ce qui prouve que Allah Azzawajal a un visage parmi ses sifats, ses attributs, de son autorité de toujours, d'accord ? Parce que le qadim, ça veut dire ancienne, mais en fait, c'est une ancienneté qui n'a pas de début. Hein ? Donc je refuge auprès d'Allah l'immense, par son visage noble et par son autorité de toujours, contre le shaitan qui est lapidé, apporté par Abu Daoud, authentifié par Al-Albani. Donc ça, c'est quand on rentre dans le masjid. Naam. Donc là, on a pris deux doigts en rentrant dans le masjid et un en sortant. ثم قال في سؤال 20 أو 200 بعد 1000 1220 question. أي رجلين يقدم عند الدخول إلى المسجد. Maintenant lequel des deux pieds, d'accord, par lequel des deux pieds on rentre en premier lorsqu'on rentre dans le masjid. On commence par le pied droit. Ça on avait parlé auparavant dans un autre ders. D'accord, comme le fait de rentrer au hammam, dans les toilettes ou d'en sortir. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب التيمم في تناوله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. Que le Nabi صلى الله عليه وسلم il aimait commencer par la droite lorsqu'il mettait ses chaussures, lorsqu'il se coiffait, lorsqu'il se purifiait, et dans toute situation qui amenait à un bien. Et dans un hadith de Anas bin Malik رضي الله عنه أنه كان يقول من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى. Qu'il dit fait partie de la sunna que lorsque tu rentres au masjid, que tu commences par le pied droit. Vous êtes kharajta un tabda bi rijlik al-yusra, et que lorsque tu sors, tu commences par le pied gauche. Et ça a été rapporté par Al-Hakim et qui a été rendu bon hassan par Al-Albani rahimahullah ta'ala. Qala fi as-su'al 21 ba'd 200 wa 1000. 1221e question. Idha dakhala al-masjida wa arada an yajlisa, fa madha yaf'al? Maintenant, s'il rentre dans le masjid et qu'il veut s'asseoir. D'accord, il veut s'asseoir, c'est pas encore lors de la salat. Qu'est-ce qu'il doit faire auparavant? Il doit faire deux rak'at, qu'on appelle tahiyat al-masjid, la salutation du masjid. Ça, c'est une nomination qui était faite par les fuqaha, par les gens du fiqh. À la base, ça n'a pas de dalil. D'accord ? Pour dire qu'à partir du moment où tu as fait deux rak'at, dans l'absolu, tu peux t'asseoir. Que ce soit les nafilat avant la salat obligatoire, que ce soit le doha, que ce soit les deux rak'at que tu fasses après avoir fait le dos. Dès que tu as fait deux rak'at de façon générale, d'accord ? Tu peux t'asseoir dans le masjid. Comme dans le hadith de Abi Qatada, quand le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Dakhala ahadukum al-masjid, fala yajlisa hatta yusalli rak'atayn. » Donc ça, c'est un ordre. Que si l'un d'entre vous rentre dans le masjid, qu'il ne s'assoit pas tant qu'il n'a pas fait rak'atayn. Plutôt, c'est une interdiction. Et donc, les ulama voient que c'est obligatoire de le faire. Et ça, c'est le call qui apparaît comme étant le plus correct. Et d'autres disent que c'est recommandé. Mais on n'a pas de choses qui sortent du côté obligatoire pour le recommander. Le hadith l'a dit qu'il ne s'assoit pas. Donc en même temps, c'est une interdiction. Et le hadith l'a dit « Muttafaqun alayhi ». Et également, ça, cela est valable pour celui qui a l'ozo. Maintenant, celui qui n'a pas l'ozo, qui n'a pas ses ablutions, il peut s'asseoir. D'accord ? Il peut s'asseoir. Non. Il n'est pas obligatoire d'aller faire l'ozo pour faire le rakat pour s'asseoir. Là, c'est pas obligatoire. Pour lui. Ce qui est obligatoire, s'il a l'ozo, de faire le rakat avant de s'asseoir. Ou alors, s'il n'a pas l'ozo, il rentre, il s'assoit. Thumma qal fi su'al thani wa ishirin wa miyatain ba'd elf. 1222e question. إذا أراد أن يصلي في نعليه فماذا يفعل؟ من نصب في الصلاة alors qu'il est chaussé. Il a ses chaussures, ses sandales. Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit faire? Car la salat dans les chaussures, c'est une sunna. Voilà, c'est une sunna. Des gens ne la connaissent pas et la voient comme une chose qui est étrange et pourtant c'est une sunna. Mu'akkada. Dans le hadith de Saïd ibn Abi Sa'id al-Khudri, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit: جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه كذرا أو أذن فليمسحه. Qu'il a dit le Nabi sallam, que si l'un d'entre vous rentre dans le masjid, qu'il regarde sous ses pieds, ses chaussures, si jamais il voit des choses sales, d'accord, des impuretés ou des choses sales, même si c'est impur, qu'il les essuie, qu'il les enlève, et après qu'il fasse salat dans ses chaussures. Apporté par Abu Daoud. Donc ça c'est une chose qui est vraie. Même dans un hadith de Anas, que le Nabi sallam est interrogé, quand le Nabi sallam sallit fin alayhi, quand le na'am. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la salat dans ses chaussures, dans ses sandales? Il a dit oui. Et même il est dans un hadith, Khaliful Yahoud, وأهل الكتاب وصلوا في نعالكم. Il a dit, contredisez les juifs et les chrétiens, faites la salade dans vos chaussures, dans vos sandales, car eux ne le font pas. Donc à la base, c'est ça qu'on doit faire. Mais aujourd'hui, on est une époque où il y a tellement d'ignorance que cela pourra faire plus de mal que les gens ne connaissent pas. Ne pas le faire à part dans des lieux où les gens du Mosil sont habitués et connaissent. Sinon, évitez de le faire. Maintenant, la cause, c'est pas la moquette, comme certains savants disent. Non, la cause, c'est la maslaha par rapport aux ignorants. T'as des gens, aujourd'hui, t'as des awam, si tu te vois faire ça, ils te rendent mécréant directement. Pour eux, c'est une chose qui est immonde. De venir avec tes chaussures, de faire la salade dedans. Et pourtant, c'est une sunna. Mais ils ne savent pas. Non. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui. Tamam. Wa alhamdulillah bil alamin.